7h04. Bonjour mesdames et messieurs, samedi le 16 août 2008. Mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous. Bonjour Bruno. Bonjour chers auditeurs. Un peu plus fort. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Afrique Plus. Vous écoutez CHUFM, nous sommes contents d'être avec vous. Aujourd'hui c'est samedi le 16 août 2008. Nous sommes contents. Les vacances, ça commence à tirer à la fin. Le vide de l'année recommence. Septembre, c'est dans quelques jours. J'anticipe un peu, vous me voyez venir. Notre émission Afrique Plus, dans les prochaines semaines, sera très, très cadencée. Nous avons pris nos vacances. Bruno est parti la semaine d'avant. Moi, c'était la semaine dernière. Et voilà, nous sommes l'équipe d'Afrique Plus est là aujourd'hui avec plein de bonnes choses pour vous ce matin. À partir de septembre, on va foutre le feu. À partir de septembre, il y aura le feu dans la case. Beaucoup de sujets dérangeants et brûlants. Voilà, beaucoup de sujets qui vont déranger, qui vont apporter plus, qui vont faire évoluer notre communauté. Ici et ailleurs, un peu plus. Mais c'est surtout, c'est eux qui le disent. Et voilà, c'est eux qui vont nous le dire. Et puis, c'est toujours eux qui nous envoient des emails sur info@commercialafriqueplus.net. Voilà, le paradoxe de la francophonie. On commence un peu avec ça. J'ai entendu une chanson francophone sur une radio française. Je vais dire que Bruno, c'est Albert. Et moi, c'est Paul. Imaginons. Donc, alors moi... répondit Paul, j'ai entendu une chanson française sur une radio francophone. Il m'arrive d'ailleurs de regarder des émissions francophones sur des chaînes de télévision françaises. Mais plus souvent, je regarde des émissions françaises sur des chaînes francophones. Une évidence, déclara Albert, impatienté. Alors, évite de questions. Albert était vide de questions. Il demande donc ainsi, une chanson, une émission, un roman francophone veut dire en langue française quoi? Alors, en langue française, oui, rétorqua Paul avec modération, mais nous voilà bien embarrassés car une chanson française francophone, par définition, ne peut être appelée chanson francophone. Sans une étrange confusion. Que dites-vous là? S'écria Albert. Faut-il être non-français pour être appelé francophone? La question est dite. Il semble en effet, répondit Paul, que de vos évidences, on ne puisse tirer que ceci. En France, le francophone, c'est l'autre. Alors, c'était la petite leçon d'introduction d'Afrique Plus ce matin. On parlait d'attributs et d'épithètes. Les premières règles de francophone. Voilà, c'est samedi le 16 août. On commence l'émission comme ça et on lance le générique pour les 5 minutes en Afrique. On y va? Non, pas tout de suite. Une petite réflexion. Alors, qui va avec la réflexion? C'est toi? Oui. Ok, vas-y. Ce sont des propos d'Antonio Cassese, qui est l'ancien président du tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Oui. La justice est un élément indispensable du processus de réconciliation nationale. Elle est essentielle au rétablissement de relations harmonieuses et pacifiques entre les hommes et les femmes qui ont dû vivre sous le règne de la terreur. Elle interrompt le cycle de violence, de la haine et prévient la vengeance illégale. Ainsi, la paix et la justice vont-elles de pair? Méditez là-dessus en attendant les nouvelles dans quelques instants. Alors, première chanson introductive, Jamu Africa. On a un invité surprise à notre mission. Il est 7h08. Mais pour tout à l'heure, nous allons partir à Montréal. Nous avons rendez-vous avec M. Cédric Joude. Et qui va nous parler... De la Mauritanie. De la Mauritanie après le coup d'État. Mesdames et messieurs, restez là. On vous rappelle que nous sommes en direct 613-562-5267. L'émission commence. Africa. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon lagnan. Manejamu Africa, moi sunyo natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Le collège d'Ottawa répond à vos besoins pour accéder au marché du travail. C'est le seul collège de langue française de la région d'Ottawa et il offre plus de 80 programmes d'études. La majorité de ces programmes donnent la chance de faire des stages en milieu de travail. Vous venez de terminer vos études secondaires, vous voulez changer votre carrière ou vous êtes immigrante nouvellement arrivée? Faites votre demande d'admission dès septembre et courez la chance de gagner une bourse d'études de 1 000 $. Pour plus d'informations, composez le 613-742-2483, poste 2420. Voilà, 5 minutes en Afrique, le tour de l'Afrique avec Bruno. Côte d'Ivoire et Kenya bientôt dans le collimateur de la Cour pénale internationale. En effet, le bureau du procureur, qui se trouve à La Haye aux Pays-Bas, pense qu'il est en train de récolter activement des informations sur des crimes qui relèvent de sa compétence et donc la Côte d'Ivoire et le Kenya pourraient se retrouver mis en cause. Zimbabwe. Est-ce que le compromis va être trouvé? Sera-t-il bancal? Ne le sera-t-il pas? Les négociations se poursuivent toujours avec Mugabe et ses principaux opposants, notamment, comme on sait, créés par la Grande-Bretagne et les autres puissances. Donc l'équilibre est assez fragile et on attend toujours. Les tractations sont houleuses. Les négociations se poursuivent. Jusqu'à présent, pas d'accord réel trouvé. Sénégal, le jour où il y aura suffisamment d'éléments contre des dirigeants comme le président américain George Bush dans les situations en Afghanistan ou en Irak, les coupables seront poursuivis, a assuré le procureur de la Cour pénale internationale, se défendant en sorte de mener une opération politique contre le président Omar El-Béchir, qui est actuellement, comme vous le savez, sous le coup d'une inculpation par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre notamment et génocide par rapport à sa politique au Darfour. Donc l'inculpation de Béchir ne serait pas simplement un acte politique, puisque selon Moruno Okampo, son action n'a aucun intérêt personnel et que son inculpation ne relève pas uniquement de sa bonne volonté, mais surtout des actes que ce dernier aurait commis. Par rapport à la poursuite, donc le ministre veut institutionnaliser la délation dans la justice, c'est dangereux. Donc ça, c'est un ministre qui se nomme Zakaria Yakoté, qui est le ministre de la Justice. Et est-ce qu'il a bien fait de demander à ses citoyens de dénoncer les juges corrompus ou non? Mystère. Attendons et on verra. Donc ça, c'est dans Sidoya cette semaine. C'est un journal qui se trouve au Burkina Faso, Sidoya. L'appel aux dénonciations, donc c'est un peu ça. Une petite phrase d'Alexandre Solzhenitsyn qui nous a quittés au début de ce mois. Nulle part, aucun régime n'a jamais aimé ces grands écrivains, seulement les petits. Méditons également là-dessus. Le Cameroun renforce sa présence administrative à Bakassi, maintenant que la petite péninsule leur a été restituée par le Nigeria. Donc deux jours avant la rétrocession, en fait, donc, les Camerounais renforçaient déjà leur présence. Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Bakassi appartient officiellement au Cameroun. La souveraineté a été recouvrée. Cette semaine, les quotidiens ont analysé les derniers développements du coup d'État en Mauritanie. Et donc, dans le potentiel de Kinshasa, on a une charge virulente, notamment, parce que le nomadisme politique dont la Mauritanie et ses militaires sont en train de faire l'expérience, ça manque un peu de sérieux, et on se demande quand est-ce que ce cycle va prendre fin. Et si, par miracle, l'intransigeance de l'Union africaine obtenait le soutien de la communauté internationale, et que cette dernière forçait les généraux à rendre le pouvoir aux détenteurs légitimes, est-ce qu'on ne serait pas en train de... d'évoluer. La rétrocession de Bakassi est aussi à la une dans la plupart des quotidiens, notamment dans 10D au Nigeria. Et autre chose donc désormais, Jean-Marie, est-ce qu'on est prêt pour la suite? On est prêt, oui. On est pratiquement prêt pour la suite. Donc les Jeux Olympiques, avec un éditorial assassin dans le Républicain du Mali. Ils sont tous venus, les dopés et les drogués. Les arbitres tricheurs et même ces athlètes n'ayant jamais rien gagné, ces touristes de la République, tous venus dans ces pays qui n'ont guère besoin d'organiser ces jeux, tant ils sont développés, tant leur notoriété est avérée, tant leur rayonnement aveugle. C'est pourquoi, selon le Républicain toujours du Mali, il aurait fallu les organiser dans ces pays pauvres d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique, qui les auraient intégrés comme de vastes chantiers de développement. Beaucoup plus enthousiastes, les jeunes footballeurs africains, à n'en pas douter, et pour cause. Trois équipes sont qualifiées donc pour les quarts de finale. Ça va se jouer aujourd'hui samedi, c'est-à-dire le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Pour le Cameroun, ça va être un peu plus difficile puisqu'ils vont confronter le Brésil. Mais les Camerounais sont confiants, ils ne craignent pas l'équipe brésilienne. Donc attendons et on verra. Ils vont jouer donc sans pression. Les quotidiens ont également analysé les derniers développements du coup d'État en Mauritanie et c'est une charge virulente du potentiel de Kinshasa, comme je vous le disais au début. Jean-Marie ? Voilà, et en parlant de Kinshasa, la presse allemande s'est intéressée aussi cette semaine à la loi qui vient d'être en vigueur en République démocratique du Congo. C'est la loi sur la décentralisation et l'entrée en vigueur de cette loi promulguée par le président Kabila fait écrire à la tête Zaitou que le Congo veut décentraliser sa corruption. Explication du journal, les recettes dites à caractère national ne seront plus entièrement versées au gouvernement central à Kinshasa, donc, où elles disparaissent à tout jamais. 40% de ces recettes resteront dans les provinces. Là aussi, bien sûr, elles pourront continuer d'être pompées des comptes publics par les puissants, voilà. Laurent Gbagbo et sa justice pseudo-indépendante continuent de faire du nettoyage dans les hautes sphères. En Côte d'Ivoire, donc, 5 ministres vont être auditionnés en tant que témoins dans le cadre de l'enquête sur les malversations dans la filière Café Cacao. Donc c'est une nouvelle étape dans cette enquête judiciaire qui est menée. Hissène Habré ainsi que 11 chefs rebelles ont été condamnés à mort par contumace. Donc l'ex-président tchadien Hissène Habré, qui est déjà poursuivi par les instances judiciaires internationales et dont la situation va évoluer puisque le Sénégal a accepté de coopérer. Ce dernier, qui était donc en exil depuis plusieurs années déjà à Dakar, ainsi que 11 autres chefs rebelles, ont été condamnés à mort par contumace donc vendredi par la cour criminelle à l'issue d'une audience express pour atteinte à la sécurité de l'État normalement. Et j'aimerais finir sur cette petite note qui est tiré de la chronique d'un de ces intellectuels africains qui selon nous n'a pas la colonne vertébrale très droite, Jean-Marie, n'est-ce pas ? Il y en a Mais pour une fois, il semble que dans ces paroles-là, il a su redresser le torse. Il faut rendre justice aux dictateurs. Présenter des excuses aux tyrans, grands et petits, aux autocrates et aux despotes, plus ou moins éclairés. Ils ne sont pas seuls, responsables des maux de l'Afrique. La plupart ne seraient d'ailleurs pas parvenus pendant toutes ces décennies à soumettre et à dominer tant de peuples sur le continent s'ils n'avaient eu le soutien zélé d'un certain nombre de cadres et d'intellectuels, parfois parmi les plus brillants. C'est surtout la dernière phrase qui est très intéressante à retenir. Merci d'avoir suivi les actualités et on va très bientôt passer à l'entrevue sur la Mauritanie. Oui, tout à fait. Et on vous rappelle qu'en fonctionnant, nous avons un autre invité qui est déjà là en direct depuis Montréal. On fait juste une courte pause publicitaire et quelques 30 secondes de musique et on revient avec l'entrevue avec notre invité. C'est voilà. Votre permis de conduire? L'école de conduite Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus, tous à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878. Jocelyn et Linard est maintenant un agent CAM Transfer. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-7878. Voilà, mesdames et messieurs, il est 7h21. Nous avons avec nous... Cédric Jourde. Monsieur Cédric Jourde, qui est en direct avec nous depuis Montréal. Bonjour, professeur. Oui, bonjour à tous les deux. Alors, merci d'être réveillé aussitôt. Comment va Montréal ce matin? On aime bien l'aider à nos invités. Ça va très bien, il fait beau, donc tout va bien. Voilà, ici à Ottawa, c'est un peu brumeux parce que il faut le dire à ceux qui sont en voiture de faire un peu attention parce que il y a un brouillard, mais sinon tout va bien à Ottawa. Alors, nous sommes contents de vous avoir à notre émission, surtout pour parler d'un sujet brûlant comme celui de la Mauritanie. Merci de m'avoir invité. Oui. Donc, le professeur Jourde, en fait, est un professeur en politique comparée, si on peut dire, qui s'intéresse aux questions d'islam et de politique, ainsi qu'à la politique de développement ou à la politique des pays en développement. Et il aime bien se spécialiser sur l'Afrique subsaharienne et nord-africaine, et notamment sur donc ses systèmes et ses régimes politiques et la façon dont la démocratisation peut arriver et où l'autoritarisme est restauré. Enfin, sur tous ces sujets-là, on peut dire qu'il a une expertise. Et donc, il a un PhD de l'Université de Wisconsin à Madison. Donc, on va passer tout de suite à la première question, parce qu'on n'est pas là uniquement pour faire des éloges à nos invités, mais on veut quand même que nos éditeurs sachent qu'on a des invités de qualité et on les en remercie lorsqu'ils sont avec nous. Donc, le premier point, c'est par rapport à la Mauritanie et à la question militaire. En fait, l'armée veut continuer à peser sur le pouvoir en attendant de trouver peut-être un système propre à la Mauritanie. Est-ce que ce coup d'État est un signe de ce tâtonnement vers un régime stable, avec un système peut-être à la turque, où l'armée serait garante en fait de la démocratie, ou est-ce qu'on va assister à une mascarade de type algérienne, où les civils sont au pouvoir mais désignés et maintenus par les généraux? Dans ce contexte de recherche, est-ce qu'un pouvoir civil finalement peut s'implanter durablement en Mauritanie? Eh bien, en fait, évidemment, c'est toujours un peu difficile lorsqu'un événement comme celui-ci arrive. Le coup d'État a eu lieu donc le 6 août, donc ça fait pas longtemps. Alors, on peut difficilement prévoir le futur et je pense qu'aucun expert ne devrait prétendre qu'il peut deviner ce qui va se passer. Donc, la seule chose, les seuls éléments qu'on a, c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières années en Mauritanie. Moi, vous posez la question, est-ce que c'est un système à la turque ou à l'algérienne? Pour l'instant, et vraiment avec toutes les précautions qu'il faut prendre, ça ressemble plutôt à un système à l'algérienne parce que on en est au deuxième coup d'État en 3 ans, donc on peut pas vraiment parler de stabilité, avec des tentatives même précédemment. En gros, peut-être que mon décompte est pas tout à fait exact, mais on est à peu près au 10e coup d'État depuis 1978. Mm-hmm. Les militaires sont au pouvoir depuis 1978. Mais il y a des luttes entre eux, entre les militaires, qui fait en sorte que, de temps à autre, on a des coups d'État. Donc je pense que, je crains, je suis peut-être un peu pessimiste, mais je crains qu'on soit plutôt dans un système à l'algérienne où les militaires détiennent les véritables rênes du pouvoir, et ils les ont depuis 1978, et même si dans un an, dans deux mois, dans deux semaines, on élit, on fait une élection présidentielle et qu'un civil est élu, je pense que ce sont les militaires qui décideront vraiment, et si jamais ce président civil s'éloigne de ce que veut la faction militaire dominante, on risque d'avoir un autre scénario de type coup d'État. Un coup d'État, dites-nous, professeur, un coup d'État pourtant, alors pourtant que le premier président, on avait un premier président démocratiquement élu en mars 2007 depuis l'indépendance du pays en 1960. Quelle lecture peut-on faire d'une attitude de ce coup d'État, d'après vous? Moi, encore une fois, on les informations, peut-être qu'on les, on aura plus de détails beaucoup plus tard. Mm-hmm. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que ce président civil a pris des décisions qui ont déplu à l'une des factions des militaires, celle qui pour l'instant est la plus forte. Évidemment, il a été limogé pour ça. Et donc, ce qu'il faudra regarder, c'est un peu justement ce jeu entre les différentes factions militaires. Pour l'instant, c'en est une qui a gagné avec le coup d'État. Ils se sont nommés à la tête de l'État. Il faudra voir maintenant comment les autres vont réagir et aussi un peu comment certains civils vont se positionner par rapport à cette institution militaire dominante pour l'instant. D'accord. Donc, on va essayer de passer maintenant entre le lien qu'il y aurait entre le type de régime et le développement. Et en quoi le type de régime, finalement, le type de régime politique, influe-t-il sur les situations économiques et sociales? Et est-ce qu'on peut affirmer sans embâche, sans détour, que la Mauritanie est le système le plus prompt à promouvoir le développement? Est-ce que, enfin, que la démocratie est le système le plus prompt à promouvoir le développement? Dans le contexte de la Mauritanie, est-ce que le salut va venir du choix populaire ou d'un diktat qui est inscrit par les hommes en armes sur les masses? Et la véritable question ici, c'est est-ce qu'un dirigisme étatique fort de type chinois serait la clé du développement? En fait, on ne sait pas si... Il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on ne sait pas si la démocratie favorise le développement en Mauritanie parce qu'elle n'a jamais eu de régime démocratique. Mmh. Il y a eu une tentative très courte, là, c'est celle qui date depuis à peine un an et deux mois, et donc c'est beaucoup trop court pour savoir. Donc on ne sait pas si ça marche en Mauritanie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on sait que les militaires, depuis 78, n'ont pas su gérer de manière, si vous voulez, positive ou l'économie du pays. La Mauritanie est toujours restée dans les bas-fonds, si vous voulez, des si on prend les différents indices de développement. Mais c'est pas nécessairement leur faute non plus, on ne le sait pas trop, c'est un pays qui a une économie très pauvre. Bon, avec le pétrole qu'ils ont découvert et commencé à exploiter il y a environ 3 ans, ça pourrait peut-être augmenter le PIB, mais malheureusement, de toute façon, l'exploitation pétrolière ne s'est pas beaucoup développée, et le pétrole tel qu'on, enfin, il semblerait, ce qu'on peut voir en Mauritanie, que ça n'apportera pas grand-chose de toute façon. Et, les mauvaises langues, excusez professeur, et les mauvaises langues disent même que c'est à partir le pétrole est le nœud du problème. Oui, ou même, et là je serais curieux de voir ce qui va se passer, j'ai envie de dire, peut-être que l'absence de pétrole, le problème a été le nœud du problème, et maintenant l'absence de pétrole, ou en tout cas les chiffres beaucoup moins intéressants qu'on le pensait, est aussi un problème, donc effectivement, ça joue un rôle. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que, concernant la comparaison avec la Chine, la Chine s'inscrit dans une... Enfin, il y a un gouvernement autoritaire qui s'inscrit dans une très longue durée. Pour la Mauritanie, on est passé à plusieurs types de régimes en quelques années, donc c'est la comparaison est dure. Et alors, dans le fond, est-ce qu'un despote éclairé arriverait un jour? Moi, je n'y crois pas. À la rigueur, la démocratie, si un jour on arrive à la consolider, elle a un avantage, c'est qu'elle apporte une certaine transparence, un certain sens de la responsabilité, responsabilité. On a parlé du pétrole dans cette région-là et également les réseaux islamistes, quelques liens avec Al-Qaïda dans cette région-là aussi, se sont mis on marche sur les œufs, en fait, dans cette région-là, avec les réseaux Al-Qaïda, oui. Tout à fait. Et ça faisait depuis 1991-94 que le président, enfin le régime à l'époque, avait, je dirais, plus ou moins inventé le spectre de l'islamisme, justement, pour gagner des appuis internationaux et pour justifier la répression. En anglais, il y a une expression intéressante qui s'appelle « self-fulfilling prophecy », la prophétie autoréalisante. Mm-hmm. À force d'appeler au loup, on a fini par créer le loup, et effectivement, il y a eu des petites cellules, ces deux dernières années terroristes qui sont apparues. Et une des choses que je crains, et j'espère qu'on ne verra pas le scénario à l'algérienne, parce qu'on se souvient qu'en Algérie, tout n'est pas très clair dans les 15 dernières années concernant les islamistes, les militaires, parfois les uns se faisaient passer pour les autres, et j'espère qu'en Mauritanie, on ne verra pas ce genre de phénomène où on peut utiliser la menace terroriste pour faire bien des choses. En même temps, des terroristes existent effectivement. Donc ça devient une espèce de marécage un peu inquiétant. Voilà, si vous permettez, professeur, on prend juste une minute de pause musicale, et bien on revient tout de suite avec la continuité de l'entrevue. Très bien. Condamné à survivre entre la vie et la mort, on ne compte plus sur personne comme on ne compte plus les corps. On manque de tout, on enlève tout à ceux qui n'ont rien. Beaucoup meurent sur le coup, les autres meurent de faim. Oublié d'un monde où le Darfour n'est qu'une ombre, où l'Afrique a trouvé sa tombe. Plongé dans l'horreur des massacres, et aux 20h, seulement quelques secondes qu'on leur consacre. On préfère voir les JO que de voir le sang giser. Les médias se foutent de tout un peuple exterminé. Un chef d'État, non, un chef de coup d'État. Et pour le Tchad, c'est le même combat. Ils ont envoyé l'armée soudanaise pour que la région du Darfour meure sous les braises. Des villages pillés, saccagés par les Janjaouides. Des hommes tués, parfois brûlés vifs. Femmes torturées, enfants violés, l'ONU ne les condamne pas pour crimes contre l'humanité. Au carrefour de la douleur se trouve le Darfour. Un peuple meurt, crie au secours, mais le monde reste sourd. Mais le monde reste sourd. Le compte à rebours est lancé, des centaines de morts par jour. Au carrefour de la douleur se trouve le Darfour. Un peuple meurt, crie. Voilà, c'est Princesse Annie Agnier. Voilà, qui nous chantait une très très belle chanson, une chanson que Carrefour de la douleur, une chanson qu'on vous dédie, professeur André de Montréal. Et dites-nous, professeur, on continue avec l'entrevue. Un coup d'État entre guillemets soft, si vous me permettez l'anglicisme, sans effusion de sang. Un coup d'État, est-ce à dire que même ceux qui fomentent des coups d'État en Afrique sont en train de changer d'attitude en prenant pour option de ne pas tuer à tout prix les personnes qu'ils chassent du pouvoir? Oh ben, vous savez, c'est pas récent. Dans le seul cas de la Mauritanie, tous les coups d'État qu'il y a eu depuis 78, on n'a jamais tué le président ou le chef d'État que l'on renversait. C'est vrai que maintenant, du fait que l'information circule très vite, peut-être qu'on est un peu plus prudent. Mais ce n'est pas nouveau de ne pas tuer le président renversé. Et dans ce cas, d'autant plus que de toute façon, c'est son attaché militaire personnel qui renversait le président. Donc c'était facile. Il a presque suffi de fermer la clé de sa chambre à double tour et ça en était fini, puisque de toute façon, c'est les gens qui le protègent. Qui protégeaient le président, qui ont fait le coup d'État. Alors, c'était pas très compliqué. Selon vous, à qui profitera le coup d'État, aux individus ou alors au peuple mauritanien? Ben, encore une fois, je veux être prudent parce que je veux pas faire semblant de deviner le futur. Mais mon intuition, c'est que ça profite surtout à ceux qui ont fait le coup d'État, cette faction militaire dominante. Je pense qu'ils ont bien servi leurs intérêts. Maintenant, on ne peut qu'espérer. Et peut-être pour gagner de la légitimité, c'est important, pour rester au pouvoir dans la longue durée, pour gagner de la légitimité, espérons qu'ils cherchent au moins quelques solutions aux nombreux problèmes des Mauritaniens. Voilà, écoutez, nous avons en direct depuis Montréal le professeur Cédric Jourde. Et avant de partir, avant de vous laisser partir, nous allons vous poser trois questions dans notre rubrique « C'est vous qui le dites ». Alors, la première question est la suivante. Selon vous, quelles sont les causes du retard du continent africain? Une ou deux? Les causes du, pardon? Les causes du retard du continent africain. Une ou deux? Une ou deux causes? Oui. Ouh là là, mais et là, vous me donnez 10 secondes, mais il me faudrait 4 heures ou 3 jours ou même plus pour... c'est horrible. Écoutez, les causes, elles sont à trouver dans un mélange entre les mauvaises institutions créées depuis, pendant la colonisation et des hommes politiques trop égoïstes. Voilà. Donc, et la deuxième question, vas-y Bruno. Oui. Selon vous, les intellectuels africains devraient-ils vivre sur le continent ou en dehors du continent? Ah, est-ce que Bruno et Jean-Marie devraient vivre sur le continent ou hors du continent? Voilà, c'est ça. Non, mais il serait bien qu'ils retournent chez eux, mais il est aussi intéressant de savoir que en fait, beaucoup de communautés africaines vivent grâce à l'appui financier que des diplômés qui sont dans des pays riches peuvent renvoyer au village. Donc c'est un dilemme intéressant. Alors je ne sais pas lequel entre les deux est le mieux. Retourner à tout prix ou continuer à aider de l'extérieur, c'est difficile. Oui, mais la question c'est vraiment par rapport aux intellectuels, c'est-à-dire prenons un exemple de quelqu'un qui va se considérer comme un intellectuel, cette espèce de journaliste qui est sur une chaîne publique canadienne qui s'appelle Martin Bougingo. Oui. Bon, ce personnage sinistre donne l'impression de connaître certains sujets et lorsqu'il en parle, on ne sent pas cette fierté de cette appartenance de son origine et il n'est pas en mesure finalement de tendre la main à ce continent et d'être fier de son continent. Donc pour nous, ce genre de personnages qui se définissent comme des intellectuels sont finalement des gens qui sont à côté de la plaque. Un obstacle pour le continent africain. Idéalement, dans la mesure où on ne veut pas nécessairement qu'il y ait une fuite des cerveaux, que ce soit les intellectuels, ou ceux, je sais pas qui ils sont, est-ce qu'ils sont autodéfinis ou ils ont été définis comme tels par d'autres. Mais bien sûr qu'idéalement, dans la mesure où il y a beaucoup de problèmes en Afrique, il vaut mieux être sur place pour pouvoir aider. Mais je pourrais aussi vous renvoyer la balle en disant peut-être que l'Afrique n'a pas besoin de ces intellectuels qui parlent beaucoup de l'extérieur et ne font pas grand-chose. Alors je ne sais pas si c'est une perte. C'est vrai. Écoutez, en terminant la troisième question, donc maintenant, les pistes et voies de solution, une ou deux pour sortir le continent africain de la situation, en fait. Ouh là là. Alors, une ou deux solutions. La première, elle est presque banale, mais ce sont... et là, j'ai pas besoin de dire comment y arriver. Hein. J'ai le droit de juste dire une... Voilà, c'est en fait un brainstorming, si vous permettez l'anglicisme. Alors, je me casserai pas la tête avec comment y arriver. Une des solutions, c'est sûr, c'est d'avoir des relations économiques avec le reste du monde qui soient beaucoup plus équitables. Ça, c'est absolument certain, de toute façon. Rééquilibrer les relations économiques avec le reste du monde, et bien sûr, il ne s'agit plus que de l'Occident maintenant, mais aussi d'autres régions du monde qui se développent très fortement. Et l'autre solution, c'est d'avoir des responsables politiques qui soient enfin, responsables, et en anglais, on a l'expression accountable, imputables de leurs actes, peu importe la manière dont ça se fera. Ça peut être par des parlements, mais par des solutions beaucoup plus locales, mais l'imputabilité et la responsabilité, elle est absolument critique et on en a énormément besoin, peu importe comment le nom qu'on donnera aux institutions. Voilà, c'est toute l'Afrique, professeur, qui vous remercie de vous être levé tôt et de vous avoir confié à tous ceux et celles qui vous écoutent en direct depuis ici à Ottawa, la capitale du Canada. Bruno est en train de rire. Alors, Bruno, est-ce que tu dis au revoir ou quoi? Merci pour l'entrevue. Et merci à vous de m'avoir invité, j'apprécie énormément. Et ça nous fait plaisir. Allez, bon matin à Montréal. Très bien, vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Judgment Day around the corner. One day free from the bad guys. time right now. There'll be no time for shirley, shirley. Vous voulez envoyer de la marchandise? WIB Cargo Express se spécialise en dédouanement, en transport de marchandises et en logistique. WIB offre un guichet unique pour tous les services de déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale, ainsi que des services d'emballage, d'entreposage et d'assurance. Avec un service axé sur les demandes de la clientèle, vous pouvez compter sur WIB Cargo Express pour vos besoins en services d'expédition à l'échelle mondiale par voie aérienne, maritime et routière. Pour plus de renseignements, visitez le web-inc.com ou appelez le 613-828-8381. 7h41, vous écoutez Afrique Plus. Mon nom est Jean-Marie, je suis avec Bruno. Nous sommes contents d'être avec vous. On vous rappelle que le numéro de téléphone, c'est le 613-76... Non? 562-549-67. Nous sommes avec Monsieur Ntête, qui est avec nous en studio ici. Donc, un invité surprise. Voilà, et on vous rappelle que nous sommes ouverts. C'est une émission de débat. C'est une émission... d'ouverture, j'ai répété 150 fois ce terme-là, et on invite ceux, celles qui nous écoutent, qui ne sont pas d'accord et qui ont d'autres choses à proposer à nous contacter par courriel. Plutôt que de dire les intellectuels, peut-être on peut suggérer les meneurs d'opinion. Oui, quoi? Voilà, et de participer au débat. Contactez-nous par courriel. Par courriel info. À commercialafriqueplus.net ou alors visitez notre site internet www.afriqueplus.net. Voilà, donc... Info@commercialafriqueplus.net. Voilà. N'oubliez pas. Et c'est ça, ou comme M. Gustave Bitsi, voilà, qui nous a envoyé un... Tout de suite, il nous a envoyé une annonce, voilà, le Congo Brazza, 48 ans d'indépendance, voilà, bonjour à tous et à toutes, par la présente, et au nom de l'amicale Congo Brazzaville d'Ottawa-Gatineau, vous êtes invité à prendre part au barbecue, pique-nique, ce samedi de 16 août 2008 à 15h, de 15h à 20h au centre communautaire Tétro, c'est-à-dire au parc Moussette, secteur Hall, à Gatineau, au croisement boulevard Alexandre Taché et rue Boudria, école Brébeuf, après le Dairy Queen, voilà, de l'ECO, voilà, de l'Université du Québec en Outaouais. Et le parking est gratuit. Voilà, donc si vous y allez en autobus STO direction Elmer ou le plateau, vous arrêtez au stop Brébeuf pour manger, boire, pas d'alcool bien entendu, et partager plus, apporter s'il vous plaît ce que vous préférez, au plaisir de vous y voir tous et toutes. Voilà, donc cordialement, c'est signé Gustave Bitsi, président de l'association Congo Brazzaville, voilà. et Ottawa, Gatineau. Voilà, voilà. Comme lui, vous pouvez le faire et ça nous ferait plaisir de passer vos annonces. On vous rappelle également que ce dimanche, il y aura un festival salvadorien. Voilà, et il y aura un bout de la station. Voilà, et ce sera au parc Massé. Vincent Massé, ici à Heron Road, à côté de Riverside. Et c'est de 1h à 6h, 1h à 7h. Voilà, donc la radio aura un bout, un stand là-bas, et ça me ferait plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Donc, on passe une pause musicale, hein. Et en deuxième, on revient avec les reportages. Le 14, c'était la remise de Bakassi au Cameroun. Donc, on revient avec le reportage de M. Oumfa, qui nous envoie chaque semaine des reportages sur l'Afrique, en direct de l'Afrique. Alors, ce serait quand même impératif de les passer. On va essayer d'en passer aujourd'hui au moins deux, on vous le promet. Et avec ça, M. Tête va nous occuper aussi. Donc, on passe une première chanson, juste le temps de souffler un peu, et on revient tout de suite pour la continuité de l'émission. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Les Soviétiques arrivent, les Américains les suivent. Notre Afrique est confuse. Et c'est des coups d'État, ça suffit comme ça. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Les militaires africains sont des victimes entre leurs mains. Ils les dressent les uns contre les autres pour leurs idéaux coloniaux comme des robots. De la région de la capitale. Tropical Fever. Tropical Fever. Tropical Fever, c'est tous les samedis à partir de 22h30 au M-Land Club, 90 boulevard Grébert à Gatineau. DJ Michel-Ange, DJ Ibrahim et DJ Karim pour un tour du monde tropical à vous donner la chair de poule. Tropical Fever, c'est votre ambiance zouk, compa, reggae, hip-hop, salsa, merengue, soca, coupé décalé, zaiko et rumba. Tropical Fever, tous les samedis à 22h30, M-Land Club, 90 boulevard Grébert à Gatineau. Voilà, mesdames et messieurs, il est 7h49. Nous avons en direct avec nous monsieur Ntête. Je vous demande de baisser juste votre micro juste un peu. Bruno, est-ce que tu peux l'aider, s'il vous plaît? Voilà, monsieur Ntête est avec nous ici en studio. Voilà. Bonjour monsieur Ntête, bienvenue à l'émission africaine. Merci. Nous sommes honorés de vous avoir en fait. Vous êtes dans notre communauté africaine, en fait, de l'immigration récente, parce que bon, les autres sont arrivés 200, 300 ans après oui, nous. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, et vous êtes quand même un doyen. Je pense que oui. Et comme doyen. De toute façon, c'est un honneur de vous recevoir. C'est un honneur d'être ici aussi pour moi. Voilà, alors, nous, on avait, en fait, la raison pour laquelle on voulait vous avoir, c'est aussi de lancer notre communauté à un autre niveau, de voir quels sont les acquis, qu'est-ce que nous avons déjà fait, quelles sont les batailles que nous avons pu gagner. Oui. Et maintenant, avec ces batailles que nous avons gagnées, dans quelle direction nous allons? Oui, moi, je vais dire quelque chose en bref. C'est que les grandes batailles qu'on parlait, on parlait toujours de discrimination en termes d'emploi et tout ça. Aujourd'hui, on a plein d'Africains dans la fonction publique, dans toutes les choses. La question est, quelles sont les retombées pour la communauté de ce fait que ces Africains ont accédé à ces genres de postes? Quelles sont les retombées? Qu'est-ce qu'ils ont retourné à la communauté? Parce qu'il y en a qui ont accédé grâce à une bataille qui a été faite par d'autres. Et eux, qu'est-ce qu'ils redonnent à la communauté? Quelle est leur bataille aujourd'hui? Parce qu'ils sont déjà là. Ils sont là où les décisions se prennent. Quelle est leur bataille pour leur communauté? Qu'est-ce qu'ils donnent aux enfants? Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est en fait que c'est une chose de dire moi Jean-Marie, je travaille pour le gouvernement ou je travaille pour tel organisme. Ouais, mais à un moment donné, il faudrait que je me re-questionne d'où je viens, qu'est-ce que ceux qui étaient avant moi ont fait et qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Exactement. C'est-à-dire, c'est se poser la question, comment toi tu es arrivé à entrer au fédéral parce que ça n'existait pas? Et tu arrives là, tu entres. Comment tu es arrivé? Maintenant que tu es là, qu'est-ce que toi tu donnes à ta communauté? Plutôt que, tu vois, moi ce qui me fait mal, c'est que la façon dont nous définissons notre grandeur, nous nous définissons à propos de ce qu'on peut acquérir, combien, tout ça. Mais vous savez, les trafiquants de drogue, ils s'achètent de très belles voitures, ils s'achètent de villas et tout ça. Mais est-ce que ça fait d'eux des citoyens honorables ou respectables parce qu'ils ont des possessions? Et ça, vraiment, les drames avec nous. Nous avons perdu notre culture. Nous commençons à nous définir par rapport à l'apparence. C'est ça qui est le drame. Nous devons nous recentrer sur notre culture, sur ce que nous sommes. Et d'après vous, dites-nous voir, à quoi est dû ce phénomène-là? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on arrive, d'habitude, on parle d'intégration, il faut s'intégrer. Est-ce que c'est parce qu'on s'intègre très bien ou c'est pour ça qu'on oublie notre communauté ou on s'intègre trop mal? C'est pour ça que... Non, je ne pense pas qu'on s'intègre. On ne s'intègre pas. L'Afrique ne s'est pas du tout intégré. En réalité, il s'accommode. Il s'accommode. Mais malheureusement, il ne comprend pas qu'il s'accommode. Il pense qu'il s'intègre. Non. Quand nous amenons aussi la première. C'est que ton premier effet, c'est de chercher où est-ce que tu vas trouver ton chiquang, je ne sais pas. Tu cherches d'abord de la nourriture chez toi. Donc tu ne t'intègres pas avec les spaghettis ici. Donc il n'y a pas d'intégration. On s'accommode. Mais la question, c'est qu'en essayant de nous accommoder, est-ce que nous nous accommodons avec tout notre bagage? Nous nous accommodons seulement avec le partiel. C'est ça le drame. On s'intègre pas. On se désintègre d'une certaine manière en pratiquant la compromission. Oui. Non, mais pas de compromission. C'est-à-dire, on reste dans l'air. On n'est pas ouvert en soi-même. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup. Quand même, bon, on est quand même dans la région de la capitale nationale. Il y a des années quand même, il y a quand même des organismes qui ont été créés, des associations qui ont été créées. Il y a quand même une communauté qui est en train de... qui respire quand même, comme dirait l'autre. Mais est-ce que vous voyez en cette respiration, entre guillemets, j'utilise des termes... Je vais vous dire une chose. Oui, dites-nous. Il y a des communautés, il y a des associations qui ont été créées. Posez la question. Quels sont les emplois qu'elles ont créés en dehors des subventions qu'ils reçoivent? Des emplois créés par eux. Les salaires qu'ils payent, qui ne sont pas reliés aux subventions qu'ils reçoivent. C'est ça le drame. Donc, en fait, vous parlez de question d'autonomie. Oui. Quelle est l'autonomie que ces associations ont créée? Parce que c'est une chose de créer les associations, mais c'est l'autre chose de les promouvoir à un autre niveau. C'est une chose de vivre avec les subventions, oui. C'est une autre chose de pouvoir s'en sortir de ces subventions. Oui, on ne peut pas dire qu'on a gagné Alors qu'on vit éternellement avec ces subventions. Sous perfusion. Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, on se moque de quelqu'un qui a l'assistance sociale. Mais on ne comprend pas qu'en tant qu'association soi-même, si on ne peut que vivre des subventions du gouvernement, on n'est pas différent de l'individu qui est de l'assistance sociale. Nous devons d'abord comprendre cette notion-là. Mm-hmm. Même toi, quand tu travailles dans une structure, donc, le financement ne vient que du gouvernement, tu ne peux pas te moquer de celui qui prend l'assistance sociale. Parce qu'en fait, il y a l'image africaine, parce que nous sommes les Africains, l'image africaine qui est très très belle, la main qui donne est au-dessus de la main qui non, reçoit. C'est-à-dire, ce sont seulement, ce qu'on dit, les Anglais disent ça, hand-out. C'est-à-dire, que ce soit l'assistance sociale, ou que ce soit la subvention qu'on donne à l'association pour, donner des, pour créer des emplois, c'est toujours les hand-out. C'est toujours quelque chose qui vous est donné. Et que vous n'avez pas créé. Dites-nous, qu'est-ce qui devrait donc être fait? Par exemple, ceux qui reçoivent, qui ont des subventions pour X ou Y, de, je ne sais pas, organiser des fêtes, organiser des colloques ou des séminaires. Comment est-ce qu'ils devraient, en termes plus précis, utiliser ces subventions ou ce qu'ils reçoivent? Vous savez, ces subventions-là, c'est pas si je peux. Il faut être un peu créatif. Quand vous faites des projets, vous devez savoir pourquoi vous faites des projets. Pourquoi vous demandez une autonomie? C'est pour aller plus loin. Mm-hmm. Comment on fonctionne ici? On crée des entreprises. Mais regardez, il y a quand même des Africains ici qui se battent quelque part là avec des petits épiceries. Ces associations-là, leur rôle principal, c'était de voir comment aider ces gens-là à devenir autonomes. Comment, c'est ça leur rôle. On se bat pour avoir un espace qui nous permet d'évoluer économiquement. Et d'être autonome. Oui, et d'être autonome. Pas d'entretenir. Je donne une autre chose. Même quand on fait de la musique, par exemple, ou le sport, c'est une industrie. Mm-hmm. Mais ces organisations-là ont-elles déjà réussi à devenir, à parler ne plus que ce genre de choses? Donc, supporter les gens pour qu'ils créent des activités économiques. Mais écoutez, je prenais mon exemple particulier. J'ai passé quand même un peu de temps à l'extérieur, à aller venir du Canada. Et alors, j'ai décidé finalement avec ma famille de revenir. Alors, j'ai rencontré certaines personnes dans certains organismes qui sont venus. Et puis voilà, le système était déjà décentralisé d'une certaine manière. Bon, je pensais que c'était une nouveauté, quoi. Alors, je me rends dans une certaine association que je ne peux pas nommer. Ils me disent, j'allais pour prendre une information. Ils me disent, écrivez ici, signez, mettez votre numéro d'assurance sociale ici. Et voilà, je leur dis, mais le motif de la visite, c'est que je voulais chercher l'emploi. Alors, depuis que je suis arrivé, ça pourrait pratiquement depuis que je suis retourné au Canada, ça fait pratiquement une année. Cette association-là ne m'a jamais appelé. Elle ne m'a jamais fait un suivi. Je prends juste une minute pour vous dire quelque chose. C'est-à-dire, le problème avec ces associations-là, vous savez, ça a été créé avec quelques idées. Or, malheureusement, ce qu'ils disent donner comme service, c'est ce qui était toujours donné avant. Préparer un résumé, vous le trouviez ça. Alors, ils reprennent ça. Ils sont en train de recycler les mêmes choses. Donc, leur existence n'a plus d'importance. Donc, alors, elles n'ont rien innové. Donc, vous voulez dire que le fait de faire un bon CV, c'est pas ça qui donne l'emploi, en fait. Non, mais écoutez, le CV, faire le CV, là, ces vieilles structures-là, disons, les structures des Blancs-là, c'est ce qu'ils donnaient. Vous savez comment faire le résumé, comment aller faire. C'est ce que vous faites. Nous avons protesté. Mais c'est ce que nous refaisons. Nous n'avons rien innové. C'est comme un peu, on singe. Oui, oui. Et c'est ça le problème, on n'est pas capable d'innover. Nous n'avons rien innové. Et lorsque finalement, c'est comme pour ces espèces d'associations, elles ont réussi à avoir des subventions et donc elles se contentent de ces subventions pour vivre au lieu de chercher à s'autonomiser et à innover. Oui. Et donc finalement, tu ne peux jamais mordre la main qui te donne à manger. Oui. Donc en fin de compte... Exemple. J'ai un article là qui vient de sortir. Là où j'explique une chose. Ces gens-là vont là-dedans. Mais ils nous discriminent, nous demandent l'expérience canadienne. Mais attention, il y a une culture d'emploi au Canada. Il y a une culture d'emploi au Canada. L'enfant commence dès son jeune âge. On l'envoie pour étudier comment faire du travail. Il commence à vendre des chocolats. Quand tu viens à l'extérieur, les employeurs, ils savent que tu as déjà travaillé ailleurs. Mm-hmm. Donc, te demandent pas si tu as l'expérience de travail. Demande, est-ce que tu as l'expérience de travail canadienne? Et c'est précis dans la question. Or, on se confond. On va se battre là, il y a la discrimination. Mais c'est pas vrai. Créer une structure par laquelle vous donnez l'expérience. Parce qu'il y a des entreprises qui disent pas d'expérience. Écoutez, envoie les gens là-bas. Écoutez, monsieur, c'était notre entrevue parce que nous avons une heure et nous sommes à la fin de l'émission. On revient avec la semaine prochaine. Je vous remercie. Avec un autre volet de l'aspect vie quotidienne de notre communauté. Si vous avez des questions pour la semaine prochaine par rapport à vie quotidienne, vie économique des Africains au Canada ou à l'extérieur du continent, info à commercial africplus.net. N'oubliez pas. Voilà, donc c'est ça. On va passer quand même, parce qu'il nous envoie ça depuis l'Afrique. On va passer quand même cet extrait de monsieur Mohamedou Oumfa. On vous rappelle que vous écoutez Afrique Plus. Nous sommes à la fin de notre émission pratiquement, mais on passe ça et Mike ne va pas nous tuer. L'ouverture de l'instruction de manière sûre et certaine, a déclaré mercredi le ministre sénégalais de la Justice, Madike Niang. Il s'exprimait après l'adoption par le Congrès du Parlement sénégalais d'une modification constitutionnelle majeure. Elle permettra à la justice sénégalaise de se doter d'une cour suprême pour conduire le procès de l'ancien président tchadien, Hissène Habré. L'amendement constitutionnel confirme la compétence de la justice sénégalaise pour juger des crimes contre l'humanité perpétrés par le passé et lève tout obstacle au jugement de Hissène Habré, indique un communiqué de Human Rights Watch. L'organisation non gouvernementale défend les crimes du régime de Hissène Habré. Chargé par l'Union africaine d'organiser un procès à l'ancien président tchadien, le Sénégal a estimé à 18 milliards de francs CFA le coût pour l'organisation d'un tel procès. Nous n'avons reçu aucun sou jusqu'à ce jour des donateurs. La seule mise qui nous permet aujourd'hui de travailler, c'est 1 milliard de francs CFA issus des caisses de l'État sénégalais. Cette somme permet de faire face aux premières urgences selon le garde des Sceaux. Le ministre a également annoncé la désignation par le procureur de la République de 4 juges d'instruction dans l'affaire Hissène Habré. Un magistrat a été nommé en mai dernier comme coordonnateur de la préparation de l'organisation du procès. Réfugié au Sénégal depuis sa chute en 1990, l'ancien président Hissène Habré est accusé de torture, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans son pays alors qu'il était en exercice de 1982 à 1990. Mamadou Oumfa Yaoundé au Cameroun, Afrique Plus, Radio CHUO FM.